Et d'hiver, je pensais à un truc. Hein. Tu sais, quand tu dis 27 ans, tu peux dire que la vie est si belle. Ouais. Et franchement, tu les... enfin, ça se voit, quoi. Tu chômerais. Tu chômerais. Non, mais je veux dire, tu vois, t'as plus l'air d'un minot. T'as pas vu le front où c'est qu'il commence ton front? Ton front, il commence à la nuque. Il commence derrière. Tu parles d'âme. Là, on a un peu faim. Fait que deux trucs à boire dans mon frigo. Je prends mon petit déj en regardant la météo. Je dors plus sur mon canapé, ça me fait trop mal au dos. Et j'ai cette idée récurrente d'arrêter le bédo. Moi qui croyais que la vie ferait de moi un gosse beau. Mais les minettes de 20 ans me regardent de haut. Il m'arrive même de sortir sans me mettre cartable. Tu vas pas le croire, mais je me soigne quand je suis malade. J'ai des potes en couple, certains changent même des couches. Je mets le clignot quand je joue, j'ai des réactions louches. Je vois plus mes amis d'enfance qu'aux parties de poker. Et les rides s'accumulent au coin des yeux de mon père. Des mecs que j'admire sont plus jeunes que moi. Et mon petit frère saute plus haut que moi. C'est plus fort que ça, je suis en train de mourir. Faut que je prenne mes médocs pour pas que ça empire. Et le pire, c'est que j'ai à peine eu le temps de m'ouvrir au monde, aux autres, à leur sourire et à leur soupir. En bref, 27 piges, l'amertume au palais. Tout ce temps poursuivi par la voiture balai. Je ne suis plus du tout à la page. J'ai loupé le coche, certains disent que je suis passé à la trappe. J'ai pris de l'âge, c'est dire si le passé nous rattrape. Les temps changent, 27 piges et toujours pas d'appart. Les choses évoluent si vite et ça n'est vraiment pas de la tarte. À l'heure du GPS, j'suis encore à la boussole et la carte. J'suis bon pour la casse, j'ai plus rien à faire dans la place. L'époque me dépasse, il faut bien que jeunesse le passe. J'peux plus m'adonner à des jeux acrobatiques. J'me sens si vieux, j'en ai des douleurs thoraciques. Fini les petits déj à base de choc à pic. Aujourd'hui c'est café clope et plot aromatique. J'ai de plus en plus de rhumatisme. Mais bon, tout est relatif. Va falloir qu'un jour ou l'autre j'arrête la fume et la tease. Après 20 mètres de course, mes batteries sont à plat. J'fais de l'arthrite, je me fais même vacciner contre la grippe. En gros, j'ai grandi donc j'ai appris. J'ai grandi donc j'ai appris. À l'approche de la trentaine, au fond ce qui m'attriste. J'ai grandi donc j'ai appris. En gros, j'ai grandi donc j'ai appris. À l'approche de la trentaine, au fond ce qui m'attriste. C'est de finir mes vieux jours, c'est l'affaire de la botanique. Non pas que je dramatise, mais j'y pense et ça me démoralise. Pas de vieillir. On a tous envie d'avenir, puis envie de le fuir. Tous dans un coin de la tête, une tonne de souvenirs. On a tous pensé un jour à comment on veut mourir. Voici ma liste d'indices qui me rapproche de l'hospice. Quand je pisse, je ne vois plus le bout de mon pénis. Cet opus, ce tube qui s'est levé pour me laisser m'asseoir dans le bus. On parle du bon vieux temps et du mille ans de rude Gullit. Et puis on râle sur les gens et on ne croit plus au magique. Enfin je parle du Minitel et de Ken le survivant. On dit monsieur sur les marais. Je suis vieux et je veux le rester longtemps.